La Justicière par Maxime Audouin. Jean Guillou, Pierre Détroit, s'avait été depuis un quart de siècle entre ces deux hommes de minotiers du pays breton une lutte âpre, acharnée, sans merci. Jean Guillou, jadis simple piqueur de meules chez Pierre Détroit et renvoyé par celui-ci pour un bol de sac de grains, avait fini à force de ténacité, d'audace, d'intrigue, de tripotage et de chance par couler son ancien patron. La vie a de ces terribles renversements de balance. Et maintenant, commerçant, banquier, usurier, brassant des millions d'affaires par an, propriétaire des trois quarts des terres de la commune, gonflé par le succès à en faire éclater sa peau de parvenu, grandi de la servilité de ses fermiers et de ses débiteurs, la tête tournée par les courbettes des notables, les avances du préfet et les mamours du député, dur aux humbles, entier vis-à-vis de ses égaux, insolent avec tous, il était le maître incontesté, indiscuté, absolu, le tyran du pays. Un soir de janvier que le vent du nord éparpillait la neige sur le faîte des toits, Jean Guillou souriait au feu de bûche qui flambait dans l'âtre de son cabinet bien clos. Devenu acquéreur de la minoterie délabrée, de la maison d'habitation, des meubles, des dernières épaves, en un mot, de ce qui fut le bien de son rival, sur son ordre à lui, Jean Guillou, on expulsait, le soir même, Pierre Détroit de son domicile. Et tandis que la bise sifflait rageusement sous les portes, que la flamme crépitait, claire et gaie dans le foyer, Jean Guillou riait d'un mauvais rire. Ah, on l'avait chassé, on l'avait traité de voleur. Eh bien, elle sonnait l'heure de la vengeance, longuement préparée et patiemment attendue. Une rumeur de la rue l'attira à sa fenêtre et voici ce qu'il vit. Il vit Pierre Détroit poussant devant lui une charrette à bras qui contenait quelques effets, un bois de lit et accroupi sous un paquet de hardes, une vieille bonne femme ridée, ratatinée, tremblotante, transie par le froid. Cette pauvre créature, c'était la mère de Pierre Détroit. Devant chaque porte, celui-ci s'arrêtait et demandait l'hospitalité pour la vieille. Et à chaque porte, on le repoussait. Non point, certes, par dureté de cœur, non, mais par la crainte de déplaire à Monsieur Guillou. Comme il fallait que sa mère, à peine de mourir de froid, trouvât un gîte sans tarder, il courbait le front sous les humiliations et continuait sa lamentable tournée, invoquant pour attendrir les gens le souvenir des services qu'il leur avait rendus jadis, car au temps de la bonne fortune, il s'était toujours montré bon et secourable aux petits. Tous, désolés, muets, levaient la main vers le logis de Jean Guillou, le potentat, et le haussement d'épaules terrifié voulait dire « Si nous te secourons, nous lui déplairons, nous sommes perdus. » La vieille geignait, tout sautait sur son paquet de hardes. Ses mâchoires claquaient. Elle avait croisé sur ses genoux ses mains prises par le froid et se ramassait pour concentrer le plus possible de chaleur dans le jupon de droguet qui lui servait de manteau. Il ne resta bientôt plus qu'une maison à explorer, au bout du bourg, la maison du riche minotier. Pierre hésita un instant et frappa. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Un gîte pour ma mère. Je ne loge pas les mendiants. Je ne suis pas un mendiant. J'ai de bons bras et l'habitude du travail, Jean, tu le sais. Pendant 2 ans, tu as couché sous mon toit. Vous m'avez chassé. Nous sommes quittes. Et puis nous n'avons pas gardé les bestiaux ensemble. Dispensez-vous de me tutoyer et filez. Jean, tu n'auras pas le triste courage de laisser une pauvre femme mourir dehors. Ne me refuse pas, Jean, je t'en supplie. Veux-tu que je devienne ton esclave, ta chose? Laisse pour quelques jours seulement, pour cette nuit, ma mère s'abriter dans ton grenier, dans ton écurie, n'importe où. Qu'est-ce que cela te fait? Personne n'a voulu nous accueillir. On avait peur de toi. On te méconnaissait, n'est-ce pas, Jean? Nous avons été ennemis, c'est vrai. Mais j'ai lutté loyalement. Maintenant, je m'avoue vaincu. Je m'humilie. Que tout soit oublié. En voilà assez! « Voyons, ce n'est pas possible que tu aies le cœur si dur. L'ancienne n'est pas responsable du mal que j'ai pu te faire, elle. Si tu la laisses s'exposer à ce froid, dans une heure peut-être elle sera morte. Veux-tu que ce remords pèse sur ta vie? Ne me fatiguez plus de vos plaintes. Allez-vous-en !» Pierre fronça les sourcils. « Oh, dit-il, je te savais voleur. Je ne te croyais pas capable d'un crime. Mais écoute-moi, prie le ciel, qu'il n'arrive pas malheur à ma mère. » « Tu entends, Jean Guillou ?» La porte se referme avec violence, et tandis que la charrette disparaissait au tournant de la route, Jean Guillou, rentré dans son cabinet, sifflait un air de chasse devant la flamme, qui ronronnait joyeusement. À 2 kilomètres du bourg, Pierre s'arrêta. La bise soufflait âpre, mordante. Des vols de corbeaux tournoyaient dans le crépuscule gris. Le ciel, lourd de nuages, écrasait la terre. Dans le silence ouaté, on n'entendait que le claquement des mâchoires de la vieille et les sifflements de sa pauvre poitrine déchirée par le froid. Tout à coup, tandis que son fils se demandait avec terreur où il pourrait lui procurer un semblant d'abri pour la nuit, voilà qu'elle se mit à râler. Non, ce n'est pas possible. Elle n'allait pas mourir ainsi, abandonnée, sans secours, au bord d'un fossé comme un chien errant. Pierre souleva le jupon de droguet qui couvrait la tête de la vieille femme, et aux dernières lueurs du jour, il lui vit les yeux déjà ternis, vitreux. Elle agonisait. « Mère ! » cria-t-il. Les lèvres violettes de la mourante remuèrent. « Pierre, que je t'embrasse une dernière fois, mon fils !» Le râle s'accentua, devint comme un bruit sinistre, puis s'affaiblit. Un soubresaut, un hoquet, ce fut fini. Pierre Détroit, accablé, les yeux secs, ferma les yeux de la morte, s'agenouilla dans la neige, et la plainte monotone du vent troubla seule le silence de la nuit. Jean Guillou revenait du chef-lieu de canton où, dans un banquet, on l'avait vivement engagé à poser sa candidature aux prochaines élections législatives. Dans cette demi-ébriété qui suit un bon repas et teinte l'avenir de reflets roses, dodelinant de la tête à ses rêves d'ambition, chaudement enveloppé dans sa pelisse de fourrure, un excellent cigare aux lèvres, il marchait bon pas, n'ayant pour l'instant d'autres soucis que la possibilité d'une rencontre fâcheuse. Sa conscience lui reprochait pas mal d'infamie, et les ténèbres s'épaississaient de plus en plus. Pourquoi diable avait-il refusé la voiture qu'on lui offrait? Mais, bah, qui donc oserait s'attaquer au riche minotier, au souverain du pays, au futur député? Député! La nuit s'éclairait, et dans un éblouissant mirage, il se voyait, lui, l'ancien piqueur de meules, trônant à la chambre, pérorant, légiférant, tranchant les hautes questions d'où dépendent les destinées du pays, député. Et pourquoi un homme de sa trempe s'arrêterait-il en route? N'avait-il pas à son service l'énergie indomptable, l'esprit d'intrigue, l'impassibilité cruelle, la science des affaires et des tripotages qui avaient servi de base à sa fortune? Député, eh bien oui. Puis après. Tout à coup, il vit se dresser devant lui une ombre et recula. « Hé, l'homme ! » cria-t-il, « passez votre chemin !»« Le chemin appartient à tout le monde !» répondit une voix qu'il reconnut pour celle de Pierre Détroit. Il voulut avancer, l'homme se plaça devant lui. « Jean Guillou, un mot !» L'heure est mal choisie pour une explication. « Vous m'entendez ? Laissez la route libre ou je vous fends la tête avec mon bâton !»« Je n'ai pas peur de ton bâton et je choisis l'heure qui me convient !» Pierre Détroit saisit son ennemi au collet et le secouant. Sais-tu que tu as tué ma mère? Que je te dois la plus grande douleur qui puisse torturer le cœur d'un homme? Sais-tu qu'à l'heure où tu te gobergeais, aujourd'hui, j'étais seul à suivre le cercueil de ta victime? Oui, oh, les lâches! Tous ces gens que j'ai tant de fois obligés, dont quelques hommes doivent le bien-être, d'autres l'honneur. Les lâches, les lâches! À peine ont-ils eu le courage de se signer, derrière leur vitre, au passage du convoi. Pas un ne m'a assisté. Mais si la pauvre chère femme s'en est allée seule à sa dernière demeure, à qui la faute, Jean Guillou? À qui la faute? Le misérable, à moitié étranglé, bégaya. Lâche-moi, lâche-moi! Oui, je vais te lâcher. Mais auparavant, je veux te dire que tu es une canaille, un voleur, un lâche assassin. Et je veux qu'en attendant la punition qui t'atteindra tôt ou tard, s'il y a une justice dans ce bas monde, je veux te traiter comme on traite les infâmes. Tiens, maintenant, tu peux passer ton chemin et remercier Dieu d'avoir eu affaire à un brave homme. » Et après avoir craché à la figure de son ennemi, Pierre Détroit s'éloignait, quand l'autre, fou de rage, fit tournoyer son bâton et lui en asséna un coup terrible. Heureusement, le coup ne porta point. Pierre Détroit s'était retourné. « Ah ! » fit-il, « c'est du sang que tu veux !» Alors les deux hommes s'étreignirent dans un corps à corps furieux. À cet endroit, la route longe la ligne du chemin de fer et la surplombe. Elle en est séparée seulement par une faible palissade. La violence de la lutte amena les deux adversaires sur cette palissade. Elle céda, et ils roulèrent du haut du talus dans la tranchée. La chute ne leur fit point lâcher prise, et le duel continua. Duel à mort, peut-être, quoiqu'ils n'eussent tous deux d'autres armes que leur terrible bras de meunier. Soudain, sans cesser de s'étreindre, ils tendirent l'oreille. Sur les rails, des vibrations couraient, et l'on entendait un grondement sourd comme celui d'un tonnerre lointain qui se serait rapproché rapidement. L'express. C'était l'express qui arrivait. Ils ne se lâchaient pas, craignant mutuellement une trahison. Et les trépidations des rails s'accentuaient, et là-bas, à 2 kilomètres, un point brillant apparut dans la nuit. Ce point grossit fantastiquement, se dédoubla en 2 yeux, 2 gros yeux sanglants de bêtes dévorantes, qui se reflétaient sur les rails en jets de feu. Instant suprême. Dans 20 secondes, le monstre allait passer. D'une brusque secousse, Pierre parvint à se débarrasser de son adversaire et à se coller contre le talus, hurlant « Gare, Jean-Guillou, gare !» Il ne put achever. Un broiement d'os et un cri d'agonie perdu dans le fracas assourdissant du train qui passe. Un éblouissement. Dans le fossé, où Pierre Détroit, le cœur arrêté, les jambes cassées par le saisissement, s'était laissé glisser, à 50 pas plus loin, une tête roula. La locomotive, devenue l'instrument de la justice divine, avait vengé le crime qui échappait à la justice humaine. C'était La justicière, par Maxime Audouin.